La solidarité des citadins pour une société démocratique de Corée du Sud a publié le 29 septembre une déclaration qui accuse le tribunal central de grande instance de Séoul d'avoir lancé le mandat d'autopsie du paysan Peng Nam-gi.